Proverbe chapitre 4. Enfant, écoutez l'instruction du père, et soyez attentif à connaître la prudence. Car je vous donne une bonne doctrine, ne laissez donc point mon enseignement. Quand j'ai été fils à mon père, tendre et unique auprès de ma mère, il m'a enseigné, et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements, et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers la prudence, n'en oublie rien, et ne te détourne point des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne point, et elle te gardera, aime-la, et elle te conservera. La principale chose, c'est la sagesse, acquiers la sagesse, et sur toutes tes acquisitions, acquiers la prudence. Estime-la, et elle t'exaltera, elle te glorifiera, quand tu l'auras embrassée. Elle posera des grâces enfilées ensemble sur ta tête, et elle te donnera une couronne d'ornement. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie te seront multipliées. Je t'ai enseigné le chemin de la sagesse, et je t'ai fait marcher par les sentiers de la droiture. Quand tu y marcheras, ta démarche ne sera point serrée, et si tu cours, tu ne broncheras point. Embrasse l'instruction, ne la lâche point, garde-la, car c'est ta vie. N'entre point au sentier des méchants, et ne pose point ton pied au chemin des hommes pervers. Détourne-t'en, ne passe point par là, éloigne-t'en, et passe outre. Car ils ne dormiraient pas, s'ils n'avaient fait quelque mal, et le sommeil leur serait ôté, s'ils n'avaient fait tomber quelqu'un. Parce qu'ils mangent le pain de méchanceté, et qu'ils boivent le vin de d'extorsion. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, qui augmente son éclat jusqu'à ce que le jour soit en sa perfection. La voie des méchants est comme l'obscurité, ils ne savent point où ils tomberont. Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours. Qu'ils ne s'écartent point de tes yeux, garde-les dans ton cœur. Car ils sont la vie de ceux qui les trouvent, et la santé de tout le corps de chacun d'eux. Garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. Éloigne de toi la perversité de la bouche, et la dépravation des lèvres. Que tes yeux regardent droit, et que tes paupières dirigent ton chemin devant toi. Balance le chemin de tes pieds, et que toutes tes voies soient bien dressées. Ne décline ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal.